soir? Je suis un peu d'espoir. Dis-moi, Jean-François, sous les ordres de qui agis-tu? J'agis sous les ordres du commandant Jacques Lemoine et il m'a dit: va casser la rue. Je m'appelle Mathurin. Je suis un peu chafouin. Et dis-moi, Mathurin, sous les ordres de qui agis-tu, hein? J'agis sous les ordres du commandant Jacques Lemoine qui m'a dit: va crépir le ciel. Je m'appelle Pierre-Éric. Je suis fan de Béric. Dis-moi, Pierre-Éric, sur les ordres de qui agis-tu, hein? J'agis sous les ordres du commandant Jacques Lemoine qui m'a dit: eh bien, c'est Jacques Lemoine. Exauce ses demandes ou il te colle une avoine. Et c'est qui le boss, hein? Eh bien, c'est Jacques Lemoine.